Bonjour, tu t'appelles comment ? Cédric. Quel âge tu as ? 11 ans. Je peux te poser quelques questions sur une de tes journées d'école ? Oui. À quelle heure tu te lèves le matin ? À 7h30. Tu déjeunes d'abord ou ? Non, je me lave, je m'habille et après, je prends mon petit déjeuner. Et qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner ? Je mange du pain, des tartines avec du beurre ou de la confiture, et je bois du lait avec du cacao et des fois aussi des céréales. Et comment tu vas à l'école ? J'y vais à pied avec Nicolas. C'est qui Nicolas ? Lui, c'est mon copain. Il habite à côté et on est dans la même classe. Et l'école, le matin, c'est jusqu'à quelle heure ? C'est jusqu'à 11h30 et je reste à la cantine. Tu restes à la cantine ? Oui, parce que mes parents, ils travaillent. Et l'après-midi, qu'est-ce que tu fais ? L'école finit à 4h moins le quart. Quand je sors, je fais du foot ou du roller avec mes copains. Et après ça, tu fais autre chose ? Je rentre chez moi, je goûte et je fais mes devoirs. Qu'est-ce que tu réponds à ma dernière question ? Tu préfères l'école ou les vacances ? Les vacances !